c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parcourra avec vous le plus récent numéro du journal Zone Campus. Marie-Pierre Laforge-Bourret nous présentera sa chronique aléatoire, etc. On achètera des produits qu'on peut pas se permettre dans 5-6, mais ça devrait pas en là. L'Assemblage requis commence maintenant. Bonjour, bon matin. Allô, ça va? Allô. On est mercredi 3 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et c'est Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Ça va, Jean-Philippe, malgré le fait qu'on a. Je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle dès le départ. Oh non. Ça va pas bien, ça ne va pas bien. Oh. Stéphanie Perazzi n'est pas là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle fait mal. Elle va pas bien. Elle a mal à la tête. Oh. Oui. Donc, on va devoir faire la collection de campus sans elle à 7h30. Ben, écoute, c'est rendre la part des choses. Hein? Elle m'a remplacé il n'y a pas longtemps que je suis parti. Donc, ça va me faire plaisir de... En fait, c'est dans son contrat. Si elle remplace quelqu'un d'autre une fois, elle doit après ça prendre une, oui, un congé. C'est comme ça que ça marche. Le syndicat ici est fort. Oui. Donc, à 7h30, on fera la zone campus ensemble. Toi et moi, on va s'amuser. Sinon, à 8h, on devrait avoir Marie-Pierre Laforge-Bourret et sa chronique, etc. Il nous parle de cinéma la plupart du temps, mais ça pourrait varier, on ne sait pas encore. Donc, à 8h, si tout va bien. Ensuite, en fin d'émission, on fera Kinky Sexy Time, comme on a l'habitude de le faire à 8h30. Mais on va débuter l'émission tout à l'heure avec cette espèce de réponse là. Et on a un paquet de gadgets vraiment le fun. Tu sais, comme, mettons, genre, Stilcom, là. Que tu échappes tout à tes affaires entre les deux sièges de ta voiture. Ah, et que ça m'arrive. Solution pour ça. Sinon, solution pour, je sais pas, peut-être faire du camping dans une tente attachée après des arbres. Oh! Suspendu. Dans les airs. Ben oui, suspendu. Là, Mathieu, comment je vais faire pour attendre jusque-là? Ah, ben, il n'y aura pas grand temps pour attendre. Là. C'est dans 5-10 minutes. Ah, ouf. Ben, tu me rassures. J'ai quasiment pas mal 5, parce qu'on va commencer avec la musique de forêt. Oh. Une place où tu fais du camping. Ben oui, c'est parfait, ça. C'est comme si c'était voulu. Oui. Ben oui. Donc, la pièce s'appelle Corps maquillé. Une autre affaire qui est voulue parce que t'arrives là, ce matin avec les cheveux semi-trempes. Dégouinant. Et t'es aussi fraîchement maquillé. Oui. Donc, pour ouais, ton là, shooting. Ça coule sur mes joues. Oui. Ça, les grosses traces de mascara. T'as l'air d'un clown. Un raccoon. Un raccoon. Not ça. Raccoon. Ah oui, c'est sûr. C'est pas super drôle parce que ça n'a pas de contexte, mais Raccoon. Très bien. Allons, corps maquillé de forêt tout de suite. Bon matin, bon diminution, puis tu sais. Oui, toi aussi. Bon début de dodo. Bon début de journée. Ok, moi, c'est parce que j'entends rien de ce qu'elle a fait, chante. Non, moi non plus. Non, c'est ça. On va repartir. Ok, je m'excuse. Je fais ce gag-là un petit peu trop souvent, je trouve. On va repartir la chanson. C'est vrai. Mais trop drôle. Le temps s'essouffle et nous sépare. L'enveloppe du cœur s'ouvre. Et touche avec les yeux. Et touche avec le foie, les uns soufflent, et donne silence. Le s'arrête et nous dépose au pied des arbres morts. Forêt avec corps maquillé. Forêt, cours! La vie, c'est comme une boîte de chocolat. C'est collant et, et sucré. Et délicieux. Et délicieux, voilà. Ah, on a retenu la morale de ce film-là. Donc maintenant, c'est la chronique Sex Smith, ça devrait pas, on l'a. On s'achète une boîte de chocolat avec ça. Mm-hmm. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique où on se procure des produits alors qu'on ne devrait pas nécessairement. C'est des produits pas nécessairement utiles, mais qui, des fois, pourraient l'être dans certaines situations très, très pointues. Tu sais? Par exemple, Jean-Philippe, t'as tout le temps le problème que t'échappes... Mettons, moi, c'est mon crayon, toi. C'est peut-être ton téléphone, peut-être tes clés dans la craque entre les deux sièges en avant. Peut-être des frites de chez McDo. Oui, et ça, c'est très important. Parce que si t'en manques une... Surtout, tu prends un joyeux festin, t'en as trois. Ouais, t'as payé pour... De payer, oui, beaucoup trop cher pour tes trois frites. Donc, et voilà, si vous faites de la voiture régulièrement, vous savez, tout se retrouve entre les deux sièges. Donc, Mark Newberger et Jeffrey Simon ont peut-être trouvé la solution. C'est le Drop Stop, qui est essentiellement un tube de genre de foam, avec une ouverture renforcée. Est-ce qu'on dit renforcée? Renforcée, clairement. Voilà. Clairement, évidemment, stupide idiot. Donc, tu rentres ta ceinture là-dedans et puis bref, ça va tenir le petit tube comme ça. Puis là, si les affaires tombent dedans, ben, tu peux les récupérer. Par exemple, une facture, je sais pas, de l'argent. Ton bébé, s'il est très, très petit. Donc, pour ne pas le perdre dans ce qu'on appelle communément dans le domaine le Carmuda Triangle. Triangle des voitures mudes. Voilà. Et ça vient avec une petite lampe de poche d'une grandeur de carte de crédit. Donc, au voilà. Cas où... qu'il y ait une faille. Oui, ou qu'il fasse noir dans l'auto. Si c'est le soir, tu peux éclairer ta craque. Light your crack. J'ai plus rien à dire là-dessus. Ensuite, tu veux faire du iPad dans ton divan, c'est facile. Tu mets ton iPad sur tes cuisses, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux faire du iPad dans ton lit tout en déjeunant au lit, mettons, ça commence à être difficile un petit peu à imaginer. Mais bon, c'est le iPad Lap Desk qui tient ton iPad debout. C'est un coussin. Donc, tu sais, un coussin comme on connaît pour mettre son portable, son laptop, là, un petit coussin coussiné là, sur tes genoux ou sur ton lit. Et dessus, c'est plat. Hein, et il y a une craque pour mettre ton iPad pour qu'il tienne debout à l'horizontale. Puis tu peux mettre ta tasse de café puis ton bagel avec du beurre. Ça a l'air tellement vrai sur la photo. Hey, le café, il me fait tellement peur. Là. Ah! Je sais exactement comment cette histoire-là finit. C'est ça. En plus, on dirait du pétrole tellement qu'il est noir. Donc, vous allez pouvoir lire votre journal au lit et tout en déjeunant. C'est-tu pas merveilleux, ce iPad Lap Desk? C'est génial. Et combien ça coûte? C'est ce que je veux savoir. Ça doit être... Tu sais, le iPad, là, il est droit, oui. Mais en angle. Ça doit avoir tendance à vouloir comme... Ça quelqu'un. Oui. 18$ pour espérer de ne pas avoir d'accident. Ah, ben voilà. C'est et peu cher à payer pour autant de plaisir. Ouais, c'est ça. Tu sais, le 1er avril, on en a parlé en rond, toi et moi, hier, qu'il y avait beaucoup de produits du poisson d'avril avec le bacon. Ouais. C'était quoi celui du bacon qu'il y avait, tu m'avais dit hier qu'on avait avec le Race Bush. Le Race Bush Telescope qui avait un Race Bush au bacon. C'était un produit du poisson d'avril, vous en avez entendu parler dans toutes les radios que vous écoutez. Que j'espère que vous écoutez pas, mais quand même. Ici, c'est un vrai produit. Un vrai produit, c'est la compagnie J&D's. C'est les Bacon Condoms ou les Bacondoms. Hein? C'est beau, ça. Ouais. Et leur slogan, c'est le fait que votre viande ressemble à de la viande. 100% efficace, autant que des condoms normaux. C'est donc des prophylactiques supposément lubrifiés avec du lube au bacon. Dont on a déjà parlé dans cette chronique-ci. Et non, on dit que ce n'est pas une blague du poisson d'avril. Et dans une entrevue avec le Huffington Post, le cofondateur de la compagnie, Justin Hirsch, littéralement Justin Hirsch, a confirmé qu'ils sont réels. 10$ pour un paquet de 3, quand même assez cher. Présentement, c'est complètement vendu. Oh! Même pas besoin de sortir de la carte de crédit. C'est même pas encore disponible parce que c'est sold out. C'est sold out. En tout cas, quand tu mets ça, t'as l'air d'un porc. Maudit cochon! Maudit cochon! Ah, ça, j'aime ça. Ensuite, t'as besoin de couper quelque chose. Tu reçois un colis à la maison. On a tous eu le problème d'aller chercher les ciseaux, aller chercher les couteaux. Caroline, que c'est de la job marché. Ah oui. Hein, jusqu'au tiroir. Donc, c'est Gerber's Pocket Knife qui ne ressemble pas du tout à un couteau, mais pas du tout. Donc, c'est un couteau, oui, tellement furtif. Que vous ne saurez pas que c'est un couteau jusqu'à temps que quelqu'un vous tranche la gorge avec. Donc, c'est une lame de stainless steel de 2 pouces de large. 2 pouces... de large. Qui entre dans ton doigt comme une bague et tu appuies ton pouce contre le... Il y a un petit truc, là, genre de... d'encoche, si on veut. Tu rentres ton pouce là-dedans et ça va faire sortir la lame. Tu vas pouvoir couper ton paquet ou en cas d'urgence, couper une corde, tu fais kidnapper, je ne sais pas. Ça coûte seulement 11$ pour un petit couteau de poche que tu mets dans ta poche littéralement de pantalon et tu peux pas te couper jusqu'à temps que ton pouce pèse sur la femme. Et je sais pas, je regarde l'encoche, là. Je sais pas si tu vois la même chose que moi. On dirait une affaire pour ouvrir les bouteilles quasiment. Ouais. Je sais pas si c'est fait pour ça en plus, mais s'il y a ça comme option, là. Le monde aurait plus raison de faire la guerre. On vient de régler les problèmes de tout le monde. Ensuite, tiens, j'aime le nom de ce produit-là, le Charge Bite, la Charge Bit. si vous manquez de jus dans votre téléphone cellulaire, pas dans votre bite, là, voyons donc. Donc, vous manquez de batterie parce que vous arrêtez pas de texter tout le monde, là, et vous voulez pas avoir à vous brancher dans le mur, vous avez pas votre fil, donc vous pouvez emprunter maintenant le jus de vos amis, du iPhone, de l'iPad de votre ami. Donc, c'est un porte-clés, c'est un dongle qui fonctionne avec n'importe quel appareil, c'est les iPhone, iPad, iPod Touch, ceux qui fonctionnent avec 30 pins, c'est les anciens modèles, donc pas l'iPhone 5 et les iPad récents, c'est le large connecteur. Et ça vous permet de transférer des électrons d'un appareil à un autre. Donc, si votre appareil est mort, ça devrait être assez pratique. On peut brancher jusqu'à 3 appareils et le chargement débute automatiquement jusqu'à ce que l'équilibrium soit atteint entre chacun des produits. Pas de setup, pas de configuration, pas de préchargement, pas du tout de stress avec ça. Et ça coûte seulement 25$. Par contre, c'est en funding sur Indiegogo. Un peu comme Kickstarter dont on parle souvent, ça veut pas dire que ça va se rendre jusqu'à son but. Ça veut pas dire, même une fois rendu à son but, que ça va vraiment être produit. Présentement, ils sont à... Il en reste 35 jours, par contre, là, mais ils sont à presque 1000$ sur 45 000. C'est... 1/45e. C'est cher, quand même. C'est ça. C'est pas tellement rendu, là. Mais bon. On leur souhaite bonne chance. L'idée est très bonne. L'idée est bonne, mais en même temps, vas-tu vraiment faire ça? C'est ça. Et t'sais, ça veut dire que t'as ton fil. Ben, c'est ça. Ça veut dire que t'as pas d'ordi à côté. Non. Quand est-ce que t'as pas d'ordi à côté de toi? C'est ça. Et moi, le problème, quand j'ai besoin de charger mon appareil et que j'ai pas mon fil, ben c'est justement le problème, c'est que j'ai pas mon fil ou encore que j'oublie tout le temps tout. Donc, j'ai oublié le chargeur dongle juicer Super Juice Pack. Puis qu'est-ce qui arrive si t'oublies ton iPhone? Hein? Ben, ça va pas bien. Ça va pas bien. maintenant, parlons de recharge d'urgence, encore une fois. C'est un chargeur de téléphone cellulaire de la grosseur, même pas d'une tête de clé. Oh. Ouais, donc il y a plusieurs chargeurs disponibles sur le marché, mais la plupart sont gros et sont difficiles à transporter. Tu sais, celui-là, tu peux le transporter dans ta poche ou dans ta sacoche. C'est une personne qui transporte une sacoche. Je ne veux pas réduire ça à dire que seulement les femmes ont des sacoches. Il y a des man bags, des sacs bananes, etc. Donc le Fuel Emergency Charger, ses créateurs disent que c'est le plus petit chargeur de téléphone cellulaire au monde. Ça mesure 1,3 par 0,9 par un demi-pouce. Et en plus, c'est que le look ressemble à une canisse de gaz. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est vraiment fun. Donc, le fuel a une batterie 5C lithium-ion rechargeable à l'intérieur qui peut vous fournir entre 20 et 30 minutes de temps de blabla, là, de temps de parler de téléphone Ben, dans le fond, supplémentaire. Supplémentaire, exactement ça. Ou quelques heures en stand-by ou pour aller sur Internet, n'importe quoi. Donc, ça descend dépendant de votre téléphone, ça pourrait monter aussi. Et le Fuel est présentement en train de chercher des fonds sur Kickstarter. On demande 20$ minimum pour vous en procurer un peut-être si on se rend jusqu'au but. Et en ce moment, on a déjà dépassé le but. On l'a même doublé ou presque triplé. 56 140 sur 20 000 avec 2729 personnes qui ont participé. Je pense que ça va être un succès sans. Un succès monstre. Oh oui, ça va. Ça doit pas au gaz. Je vais te faire un jeu de mots de gaz. Ouais. Ça va pas la peine. Ensuite, tu sais, la mode est aux ongles différents. Les gens vont présentement se tremper les ongles dans. Je sais pas comment ils font ça. En fait, je le mime, j'ai aucune idée comment ils font ça. Mais ils ont différentes couleurs ou des fois, ils vont prendre des aimants. Ils vont enlever une portion de tu sais, c'est fait pour ça, tu peux acheter ça. Tu as même des crackles où ça va faire des cracks, genre comme dans de l'asphalte sur les routes. Mais ici, la nouvelle mode, c'est c'est le vernis qui va servir de tableau après ça avec de la craie. Oh! Ah oui, donc déjà... Ah, juste, j'ai lu le début du texte qui dit « Le son des ongles sur un tableau fait déjà froid dans le dos. » Puis moi, ça me fait froid dans le dos juste quand tu me dis ça, tu sais. C'est de même. Mais bon, donc c'est le Seattle's Chalkboard Manicure, voilà. Et donc vraiment, c'est ça. C'est un petit ensemble qui te permet de mettre une base de tableau, si on veut. Ensuite, une couche par-dessus. Et après ça, t'as quatre craies, genre de pinceaux, qui vont servir de craie pour faire du blanc, du bleu, du vert et du rose. Ça vient pas avec une efface, par contre. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper, c'est une erreur, ça, je pense. C'est une erreur. Mm-hmm. Moi, j'aime bien les peintures pour le mur aussi qui vont transformer ton mur en tableau. Ouais, ça, c'est le fun. Ça. Fait que sur les ongles, c'est le fun aussi. Mm. Puis elle en a sur la bouche, ça, c'est... Ouais, c'est ça, je me disais la même chose, puis je comprends pas trop. Ça doit être un coup de pub. Ouais, ou moi, je pense que c'est peut-être juste mis du rouge à lèvres noir et ensuite du rouge à lèvres blanc par-dessus pour faire le même look que ses ongles. Ah! Oh. Ça doit pas être de la craie dans ce cas-ci. Elle est coquine! Oh, la tanante! Ensuite, si on veut peut-être s'éloigner des ours quelques secondes en forêt lorsqu'on fait du camping, c'est le Lawson Blue Ridge Camping Hammock qui est un hamac et une tente mis ensemble, parfait pour ceux qui veulent justement s'éloigner des ours parce que les ours vont passer peut-être en fou. Non. Ça va devenir full moelleux. Là, tu vas être vraiment confond. Sur le dos d'un ours. Ouais. C'est blague cool comme sur le dos d'un ours. donc voilà, c'est ça. Je sais pas, ça pourrait être pratique. Ben c'est vraiment comme fait pour être un hamac. Là. Donc vous pouvez pas vraiment vous mettre au con. Ben je sais pas. Tu veux pas pouvoir, mettons. Rentrer 8 là-dedans. Rentrer ben même 2. Je sais pas. En tout cas, la petite corde a l'air mince. Ça a l'air cheap un peu. Mais t'es donc couvert et peut-être que tu pourrais te protéger des insectes. En fait, je sais pas si la porte à l'avant se zip comme un vrai... Vraiment, beaucoup de questions restent sans réponse pour ce produit. Ils savent que personne va acheter le produit pour le tester puis qu'on va juste en parler parce que c'est drôle, tu sais. Ouais. Je sais pas, mais j'aime le concept d'avoir l'air d'être dans une tente suspendue, c'est cool. Ensuite, tu sais, on arrive à l'hôpital et on nous demande d'enlever notre téléphone cellulaire. Et c'est tout le temps genre un téléphone cellulaire des années 80, tu sais, une super grosse brique, là, tu sais, avec un genre de flap, là, tu sais, en avant. C'est tout le temps super vieux jeu. Si on veut avoir une pancarte, genre, pas loin d'utiliser un téléphone, mais qui soit toujours à jour, il faut s'acheter cette pancarte-là qui est le No Sign. C'est une pancarte qui, dans le fond, c'est comme un cadre. Donc, vraiment, la pancarte ressemble à une pancarte No avec un signe, avec une barre dedans rouge, là. Mais ça tient sur ton bureau. Et tu peux, avec une bande élastique, insérer n'importe quel objet, par exemple, ton cellulaire, un paquet de cigarettes, un suçon, n'importe quoi. Et ça va avoir l'air d'une pancarte qui dit pas de téléphone. Tu sais? Tu peux mettre des caoutchoucs aussi. Il y a des pancartes, enlevez vos caoutchoucs. Ah oui, ok, enlevez vos caoutchoucs. Oui, oui, tout à fait. Il pourrait faire le contraire aussi, genre yes, puis mettre des petites pantoufles là, quand tu vas lâcher le par-dessus les souliers. Spandex. Ouais, c'est ça, c'est une fun. Donc c'est le No Sign. Oui, j'aime ça. C'est une bonne idée. C'est drôle. C'est le fun. C'est pas super utile, mais ça fait jaser. Sur strapia-world.com, il y en a 3 en stock en ce moment et ça coûte 13,40 $ américains. Pour cette pancarte avec un élastique. Ensuite, comment changer votre fesse en panneau publicitaire? Parce qu'il n'y a pas assez de pubs dans la vie. Non. Du tout. Quand tu enlèves tes pantalons pour avoir une relation quelconque, tu veux faire de la pub à ton copain, ta copine, pourquoi pas? Donc, rien n'est gratuit dans la vie de nos jours. C'est des free pants. Donc, ils vont t'envoyer une paire de sous-vêtements gratuitement si tu leur fais de la pub. Hein? Ah. Donc, c'est un service par abonnement, c'est au Japon. Free Pants, ils t'envoient des sous-vêtements gratuits et il y a un logo affiché dessus. Un logo d'une marque de désodorisant, de shampoing, une compagnie de câble, n'importe quoi. Tout ça va être imposé et infessé Je sais pas comment dire. Ouais. Donc voilà, Free Pants, vous pouvez vous inscrire sur le site Free Pants. C'est pour des sous-vêtements seulement. C'est drôle quand même parce que. J'avoue qu'il y avait plus c'est pas la vue de tous. Ouais. Je sais pas. Ben, tu sais, ceux qui portent, tu sais, comme leur pantalon très très bas, genre les rappers Yo-Yo. Yo-Yo, ils pourraient avoir une publicité en haut. Je sais pas. Mais c'est au Japon, free-pants.jp. Ah, c'est asiatique. Point Jean-Philippe, oui. Ensuite, on parle de deux sortes de bagues. Tu sais, quand tu te maries, là, tu dis « je le veux ». Tu pourrais avoir une bague avec la wavelength, tu sais, en termes de son, là, les sound waves. Ah, oh, oui. T'as peut-être déjà vu ça. Ouais. Donc, c'est la sound wave de « I do ». Okay. Pas Aïdou comme le restaurant. Quoique moi, je préférais ça. Je préférais avoir une rondelle d'oignon en fait après mon doigt qu'une bague. Donc, c'est ça, c'est le wavelength de Aïdou. C'est des artistes japonais, designer Saku Rako Shimizu qui a créé ça. Donc, tu peux avoir Aïdou, tu peux avoir Forever et tu peux avoir I Love You. Donc, les couples vont pouvoir porter la même fréquence de son sur leur doigt. C'est disponible en argent, 18 carats, et en 14 carats, blanc, jaune ou or. Platine aussi, en tout cas, bref, un paquet de couleurs. Bon, ben, ça reste original. C'est le fun, c'est cute. Il y en a pas un que ça fait fuck off. Et je sais pas, est-ce que c'est le I do de la personne qui le porte? Non, je pense que c'est vraiment un I do générique. Moi, et ça, je trouve ça dommage. C'est pas tout le monde qui a la même voix, là. Non, ni la même intonation. Il y en a qui vont peut-être faire I do. Oui, il y en a qui vont dire c'est quoi la chanson? Badum, badum, pom, badum, badum, pom. Parum, parum, okay. On reste dans le domaine des bagues. Je te mords d'aller à ton mariage. Donc oui, une autre bague, c'est porter la face de quelqu'un avec une bague faciale ou presque. Donc c'est une bague, OK? Et si tu la regardes de côté, chaque côté a l'air d'être la face de la personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Genre, les côtés de la bague, c'est le front, le nez, la bouche, le menton. Oui. Hein? Donc, de chaque côté de la bague, tu insères ça et tu as ça qui te rentre dans le petit doigt puis dans le majeur parce que ça dépasse de chaque côté. Puis tu as un nez en. Si quelqu'un a un nez pointu, là. Oui! Ça fait mal! Oui. Non, c'est une compagnie allemande, Thomas Gleason. C'est un bijoutier. Ils ont créé la ligne Contura, une ligne de bague. Donc, que ce soit pour un enfant, mari, femme ou même quelqu'un qui est décédé, donc on peut maintenant porter quelqu'un sur son doigt. Chaque bague qui est forgée dans la forme de la face de quelqu'un. Ça a gagné le Red Dot Design Award et ça vient en plusieurs options de différents métaux, différents bijoux. Et ça commence à 450$. Ouais, mettons que tu vois quelqu'un qui meurt dans ta famille, ça pourrait être peut-être utile. C'est se souvenir de lui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, s'il voulait vraiment profiter de ce marché-là puis les vendre encore plus cher, ça devrait être une face. Puis dans la face, tu peux comme l'ouvrir puis il y a des cendres dedans. T'as le combo parfait. Là, c'est que ouais. Là, tu peux sniffer ta bague. Éternuer. Oui, partout. Un peu de chum. Ensuite, on passe à un sujet un petit peu plus léger dans ce cas-ci. C'est une voiture à deux côtés. Hein? Donc, c'est une voiture qu'on peut conduire d'un bord ou de l'autre. Donc, si tu vois sur la photo, c'est un peu dur à expliquer, mais en fait, c'est une voiture avec deux devants et pas de derrière. C'est quand même pratique, je sais pas. Donc, c'est un. Ils sont situés. C'est un vendeur qui a vendu ça sur Craigslist. Ils sont situés près de la frontière entre la Californie et l'Oregon. Et donc, on peut aller l'acheter soi-même. C'est une voiture de Ford custom, donc personnalisée. C'est, j'imagine, quelqu'un qui a beaucoup de talent et de connaissances en modification de voiture qui a fait ça. On dit que c'est parfait pour les gens qui veulent se stationner peu importe le bord de la rue. C'est comme ça, ben, t'es tout le temps de face première. Ou t'as toujours étiquette d'un côté. Encore. Je sais pas si c'est légal, mais en tout cas. Le prix commence à 2500$ ou pour une meilleure offre. Donc, Ford à deux bords. Ah, le post a été effacé. J'ai cliqué dessus puis il a été effacé par la personne. Oh! Ça marche pas, ça! J'avoue. Ce sera pour une autre fois. Quand on a faim pour un repas de l'Action de grâce ou du Nouvel An ou peu importe que... À part plein de chocolat! Tes pantalons sont jamais assez slack, hein? Non. Slacken. Slacken your pants? Ils sont jamais assez slacken. C'est ça. Donc, c'est une paire de pantalons par Beta Brand qui est fait pour le confort ultime. Ah. Donc, quand tu as mangé un repas léger ou un repas assez sous couvert, le secret est dans les boutons. Il y a trois boutons. Petit cochon si tu as mangé un repas léger. Cochon si tu as mangé plus que tu aurais dû. Puis un maudit gros cochon. Ah. Un porc si tu as mangé comme éternellement. Donc, oui. Vas-y. Le gars, premièrement, est beau. Vous irez voir sur Assemblage Reiki. Ouais, beaucoup trop maigre. Beaucoup trop maigre. Beaucoup trop heureux. Puis il a beaucoup trop mangé. Oui. Je sais pas si t'as vu. Il y a à peu près, on peut décrire ça comme étant un méchant gros pilon oui. de poulet. Un steak. Un steak. À côté, ouais. Il y a un petit plat de boulettes. Il semble avoir un genre de plat de pâte. Ouais. Je suis pas sûr que c'est ça. Des restes de frites. Des restes de frites. Un bout de pain. Ouais. Puis ça, c'est ce qui reste. Puis plusieurs ustensiles dans chaque assiette. Ouais. Donc, on dirait qu'il a mangé les fins d'assiette de chaque personne autour de la table. C'est ma théorie à moi. Mais le pilon de poulet, là, c'est quasiment un pilon d'autruche. Mais il a même pas mangé ce pilon de poulet, comme ce on poulon. Dit, comme on dit, ce petit méga gros. En tout cas, moi, je préfère encore, si t'es pas pour sortir des pantalons quand on ouaté, ça fait un job en masse. Ouais. Ou une ceinture. Tu détaches ton bouton. Puis ta ceinture sert de bouton. Ah oui. Après ça, pas besoin de... En tout cas, incognito. Il y a plein d'autres façons que les gluttony pants que vous pouvez vous procurer. C'est rassemblagerequis.com. Ça coûte 100$. Beaucoup trop. Ensuite, tu sais, la mode est aux bracelets. Tu sais, tout le monde porte des bracelets de Lance Armstrong en caoutchouc. Sérieusement, tu peux te faire ça pour aucun argent du tout. Ça coûte absolument rien. Tout le monde a ça. C'est super, genre, mouton de marde. Excuse-moi, mais c'est vraiment moutonesque de porter ça. Je m'excuse. Moi, je porterai jamais un petit bracelet comme ça. Mais s'il pouvait avoir une utilité, peut-être que je pourrais changer d'avis. Aha! Donc, c'est des pocket bands. C'est des petits bracelets en caoutchouc, tout ce qui est plus mouton. Et dedans, t'as une petite slot, une fente, pour insérer des clés, de l'argent, de la drogue, peut-être, pour les gens qui veulent faire ça. Donc, c'est des pocket bands disponibles en plusieurs couleurs. Je vois entre autres rouge, gris, noir, rose, vert et bleu. Et fantastique, avec une petite poche cachée, parfait pour si vous faites du surf, du vélo, du patinage artistique, je sais pas. Un bundle de 3 va vous coûter 20$ sur Kickstarter, donc encore une fois, on n'est pas rendu. Mais ils sont présentement... Ah oui, on est rendu. On a fait le double de l'argent. On demandait 10 000$, on est rendu à 23 000. Et pour mettre ses clés, par exemple, pour un enfant, peut-être au primaire. Parce que t'as l'air d'un enfant du primaire quand tu portes un affaire de même de toute façon après ton poignet, fait que tant qu'à ça, je me mets à dos une moitié de notre auditoire qui porte un bracelet de Lance Armstrong. Ouais, je sais pas, moi je suis pas convaincu de la petite fente. Non? Non. Pas des fentes, hein? Non. Bon. Ensuite, non. On parle d'un petit humidificateur USB qui flotte sur peu importe quel liquide tu choisis de mettre en dessous. Donc par exemple, cet humidificateur-là va pouvoir flotter dans un verre d'eau. Par exemple, je regardais les poignets pour être sûr que t'avais pas de bracelet en caoutchouc. Non. Je trouve que tout le monde a ça. Puis moi, un bracelet de pied. Ce que tout le monde a, ouais, c'est ça. Ce que tout le monde a, je suis pas capable. Je dirais qu'une fois que c'est rendu à la mode, j'aime plus ça. Non. Je suis plate de même, je suis un hipster. Qu'on dit. Donc voilà, revenons au sujet du moment. C'est le USB Donut Humidifier, qui est en forme de beigne, évidemment, hein, ça dit. C'est beaucoup plus petit qu'un vrai beigne, par contre, et ça fonctionne par USB. Donc tu branches ça dans ton ordinateur et tu le mets sur, par exemple, un verre d'eau. Et à la place, donc, ça va utiliser le liquide qu'il y a en dessous pour faire l'humidification. Tu sais, quand t'as le nez sec, ouais. En ce moment, c'est le cas souvent. Donc, 16$, il y a même un timer à l'intérieur et vous pouvez voir d'autres photos et des liens pour l'acheter sur assemblagerequis.com. Design de beigne qui, j'imagine, doit servir à quelque chose. Ça dit pas pourquoi, mais ça dit beau comme décoration. Et ça soulage les yeux secs, le nez sec et la peau sèche. Ça génère de l'humidité. Vous avez un mode, en tout cas, différents modes tactiles qu'on peut peser dessus. Et c'est disponible en 3 couleurs, blanc, rose et bleu. Il nous en reste 2 petits derniers pour ceux qui ont les pieds plus flexibles que leurs mains. Peut-être pour jouer à des jeux vidéo, par exemple des jeux vidéo de voiture, ça pourrait être pratique. Aha. Donc c'est le Oculus Rift qui vous permet de jouer à des jeux vidéo avec vos pieds. Donc ça s'appelle le Stinky Footboard. Ça a été révélé au PAX East 2013 à Boston par la compagnie Stelulu Technologies et leurs employés Stéphane Rivard et Luc Levasseur. J'imagine les francophones. Donc on l'appelle le Stinky en raccourci comme ça. Donc c'est un D-pad de métal qui vous permet de jouer à des jeux vidéo avec votre pied. Donc vraiment, c'est un genre de planche à plusieurs directions, donc gauche, droite, au bas, les diagonales, j'imagine. Et tu peux contrôler n'importe quel jeu avec ça. C'est USB. Donc ça a l'air génial. Ça va être compatible avec Windows XP Vista 7 et 8. Le prix est de 119$. Ça va sortir en juin. Disponible en précommande sur Kickstarter pour une date qui va arriver parce que là, ils ont l'air de vraiment me créer des attentes. Là, imagine! C'est cool! Ouais, c'est quand même impressionnant. J'aime ça. Allez voir la vidéo pour la démonstration. Et finalement, un clavier en casse-tête. Vous voyez, un clavier qui est modifiable, personnalisable. C'est des touches qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, c'est quand même assez simple là, à comprendre. Puzzle Keyboard, chaque pièce est indépendante et peut être réarrangée comme on veut. Par exemple, si tu aimerais que le M soit à la place du A pour un clavier, ou tu sais, mettons les claviers français, à la place d'être QWERTY, c'est AZERTY. Le Z est échangé avec le Q. Donc, vous allez pouvoir paramétrer ça pour tout le monde dans la famille s'il y a un Français qui vient visiter. Bref, il y a plein de raisons de peut-être vouloir ce clavier-là. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien, évidemment. Et c'est ça a gagné le Red Dot Award pour Design Concept en 2012. C'est Wan Fu Chun qui a inventé ce clavier-là. Et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Ouais, mais faut pas que tu t'attendes après ça à ce que tout le monde ait ça. Dans le sens que si tu fais ça, tu fais tes paramètres chez vous, là, t'es habitué de taper comme ça, puis là, t'arrives à la job, puis là, fini. Parce qu'il y a tellement d'autres façons de placer les lettres que juste QWERTY ou AZERTY. Il y a la méthode de Dvorak, entre autres, qui est supposée rendre la frappe plus simple pour ton cerveau. Ah! Mais ça n'a jamais fonctionné, il n'y a jamais personne qui a utilisé ça. Mais tu peux encore programmer ton clavier en ça, de Dvorak. Sauf qu'il va falloir que tu t'habitues à ne pas regarder les touches. Alors qu'avec ce clavier-là, tu pourrais les placer. Ça serait grisé. C'est un petit blanc, tu peux tricher. C'est une bonne idée. Donc, tous les liens sur assemblagerequis.com, c'est la chronique sexe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Dans quelques minutes, on aura la chronique Zone Campus. Oui. Qu'on va se taper ensemble. Le temps qu'on fasse notre général. Là. Oui, c'est ça. On se pratique pendant la pause. Puis... Ouais. On va être bon. Pour l'instant, on écoute de la musique. On va entendre East Road, formation locale. Et leur pièce Oh Love à Assemblage Requis. On vous dit à vous, les amoureux de... Zone Campus. Zone Campus, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y en a de ça? Ben oui. Ben, qui aillent se mettre fan sur Facebook parce que ça monte pas vite. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h. Tremble. The moon guides the rising night. From where you are, can you see the same sky? Wolves in my lungs and wings on my breath. Bubbling brooks of blood in my veins. Rustle my leaves and falling at my daisies. Your presence now is all I need. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly me south. Oh Lord, what will you do? What will you do? For all to rejoice, and December it is once again on my course. Here I am, might be my choice, but music can replace our love. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly myself, oh Lord. What will you do? Oh love, I'm still longing for you. Longing for. Stop thinking, I've been told not to go. It's heavy on my mind, you know. I've been told not to go. I can't be so far from home. You're my C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U. 89. 1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. 7h37, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, puis Mathieu Plante. Ouais. Puis Mathieu. Fait que. C'est ça. Jean. Hey, sais-tu, moi, comment dans la vie je me tiens informé de l'information locale et campusienne? Ben oui, je le sais. Ça frappe tellement que je le sais. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et on parle du Zone Campus, le plus récent, édition du 1er au 14 avril 2013, volume 8, numéro 15. Aujourd'hui, par contre, Stéphanie Paradis n'est pas avec nous. Non, mais je remplacerai le côté de son mini-wheat fibreux. Le côté fibreux qui est de la misère à passer dans le gorgoton. Oui. Donc toi, tu vas me remplacer, moi je vais remplacer Steph, mettons. Ben oui, on est freestyle aujourd'hui. On se sent de même. On fait un test. Oui. Donc, ben oui, allons-y de tout bonnement avec la une, Mathieu. Ouh, ben oui, sur la une. Alors, une nouvelle équipe de l'AGE, UQTR. Ben, les élections sont terminées. C'est fini, il n'y en a plus d'élections. Arrêtez d'aller voter, arrêtez d'aller sur le portail chercher le petit bouton des élections, parce que les affiches sont encore partout sur le campus. Oui, c'est vrai. Les gens vont encore voter, mais bon. Donc oui, c'est ça, ça a été dévoilé le vendredi 29 mars dernier. Dans l'intimité quand même, parce que c'était congé. Ouais. Et selon les règlements, il n'y avait pas le choix de faire le dévoilement vendredi. Donc, il n'y avait personne. Il a fallu qu'on se cherche un local pendant plusieurs minutes. On est allé au pavillon Albert-Tessier. On est allé à un autre local. On est revenu à la chasse. Donc, ça a eu lieu à la chasse-galerie, finalement, qu'on a dévoilé les gagnants. Après avoir, évidemment, vécu le débat du 25 mars dernier. On peut dire que pas mal de gens, de postes qui ont été comblés, sauf deux, qui étaient seulement chaises, donc toujours pas de gagnants. Donc, si vous voulez voir le nom des gagnants et tout ça, c'est sur le Zone Campus qu'on va trouver ça. Et puis, si on fait un petit flashback, puisque la suite de la une est en page 3. Exactement, donc on va recommencer l'actualité à page 2. Voilà. L'UQTR honore l'excellence de ses membres, Mathieu. Exactement. Le 21 mars dernier, l'UQTR a honoré certains de ses membres lors d'une cérémonie de distinction. 8 enseignants, étudiants et cadres retraités ont reçu un prix pour souligner le travail exceptionnel qu'ils ont fourni au sein de l'université. Et il y aurait de la tension au sein de l'organisation de l'UQTR. Oui, ben exactement. C'est quand même le gros sujet controversé en ce moment. Le conseil d'administration de l'UQTR a mandaté Nadia Ghazali et son équipe de direction pour bâtir un plan d'action qui permettra de mesurer l'évolution du climat organisationnel. Donc, les détails dans l'article dans le Zone Campus. Des étudiants de l'UQTR s'investissent. Oui, on parle d'aide à une personne à mobilité réduite. Donc, formé à l'UQTR, il travaille pour permettre à une personne à mobilité réduite de rester vivre dans son logement. Donc, Elisabeth Laprise, Yannick Doyon, deux anciens de l'université, mais aussi Noémie Prévost et Daphné Perrette, deux actuelles étudiantes qui travaillent sur ce projet-là. Il n'y avait pas lors des élections, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Ah bah. J'essaie de faire un petit lien. Ben, mais c'est là, c'était congé. Mais l'AGA à UQTR peine à faire entendre sa voix. Oui, même quand il n'y a pas de congé, les gens ont de la difficulté à se présenter. Donc, gros problème de participation. C'était le 26 mars dernier que l'Association générale des étudiants de l'UQTR devait tenir une assemblée générale spéciale dans le but de discuter de la position officielle que l'AGA devait prendre par rapport au sommet sur l'enseignement supérieur. Cependant, ça a dû être annulé. Faut d'avoir atteint le quorum qui est seulement de 60 personnes. Donc, on n'a pas réussi à avoir les 60 personnes. C'était la deuxième fois qu'on faisait cette assemblée-là et ça n'a pas plus marché. Mm-hmm. Et on le savait tous, du 18 au 24 mars, c'était la semaine de la francophonie. Donc, le français était à l'honneur à l'UQTR. Exactement. Organisée en partie par la rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc Nadia Ghazali, elle a été l'occasion pour la ville et l'Université trifluvienne de recevoir des dignitaires de la langue française et de permettre des échanges autour du français. Simon Fidubé nous fait un bilan. Oui, ben, bilan de l'année 2012-2013, si on veut. Il dit, nous en sommes maintenant rendus à cette époque cruciale des bilans de fin d'année scolaire. Certaines années sont plus mouvementées que d'autres, comme l'an dernier, et d'autres ne passeront pas à l'histoire. Certaines autres se sont remémorées pour les mauvaises raisons. Donc, survol d'une année peu glorieuse. J'imagine qu'il termine avec un bilan mitigé parce que la semaine prochaine, ou dans le prochain numéro, dans deux semaines, il va nous faire un petit au revoir parce que je pense que Simon avait son dernier texte dans le prochain numéro. Donc, un petit scoop! Scoop! Je suis pas sûr que je devais dire, mais quand même, c'est fait. Trop tard. Bah, trop tard. le jour même des débats à la chasse-galerie, il y avait également ma soutenance en 180 secondes. Oui, et la chasse était sombre à ce moment-là parce qu'on avait complètement noirci les fenêtres. Donc, deuxième édition de ma soutenance en 180 secondes qui s'est déroulée. Quatre prix ont été décernés parmi les 17 participants. Donc, vous pouvez vous renseigner sur ces gens-là. L'événement qui a réussi un vaste public à la chasse-galerie. Et on serait vers une éducation au développement durable. Oui, c'est la création du CERED. Le 21 mars dernier, l'UQTR et la Commission scolaire du Chemin du Roi ont annoncé la création du Centre d'expertise régionale en éducation au développement durable. Pour la Mauricie, le Centre du Québec. C'est un long acronyme. Quand même. Et puis, ça fait le tour des actualités. Allons en société, Mathieu. Oui, et commençons. Qu'en penses-tu? Avec Sébastien Dulude qui nous propose un article assez frappant sur le pénis en feutrine gate. Donc, scandale sexuel dans le milieu culturel trifluvien, de la nudité frontale explicite s'est glissée dans une séance de projection de court-métrage pour enfants. Mais on parle d'un court-métrage gagnant de prix et très, très, très réputé, Oh Willy. Donc, apparemment, c'est très, très, très, très bon. Mais il y a des parents là, qui n'ont pas aimé ça. Donc, il a fallu qu'on arrête la représentation. Et il va nous en parler lundi. Mm-hmm. Qui s'en vient à Assemblage Requis dans sa chronique. Va voir ailleurs, j'y suis. Ça va être parfait. Uh-huh. Jean-François Veilleux nous fait un top 10 des choses à savoir sur la France, mais c'est la partie 2. Oui, partie 2 suite d'une précédente partie 1. Oui, hey, qu'on est logique ici quand même. Donc, à l'hiver 2011, il était à Caen, en Basse-Normandie, une ville rasée à 80% lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour terminer son baccalauréat en philosophie, et il nous raconte quelques anecdotes linguistiques issues de son voyage. Mm-hmm. Après ça, anthropologie moderne avec Stéphanie Gladue qui nous parle du fameux YOLO. Ben oui, YOLO, c'est tellement à la mode chez les enfants. You only live once, c'est le carpe diem des pauvres, nous dit-elle. Expression virale utilisée abusivement par la communauté prépubère occidentale. Donc, YOLO, pour en savoir plus là-dessus, c'est dans la section société. Mm-hmm. Maintenant, ben, ça fait le tour société. Allons hors et spectacle. Qu'en penses-tu? Oh, ben oui. En fait, je te dis tout le temps qu'en penses-tu, mais t'as pas le choix. On peut faire le tour. On peut bien se rendre jusqu'à notre but final, ben qui est les sports. Ma section a tellement pris. Et oui, donc c'était l'exposition de Marie-André Côté et de Sophie Guimette. Oui, ben d'ailleurs, Sophie Guimette, qu'on avait reçue à Assemblage Requis il y a quelques mois de ça avec les serpents. C'était c'est la copine de Monsieur Serpent. Donc on dit la nature, les serpents et l'environnement. Jusqu'au 21 avril, le centre d'exposition Raymond Lagnier de Trois-Rivières présente les expositions très primitives de Sophie Guimette et Mater comme un murmure de Marie-André Côté. Alexandra Carignan nous en avait parlé dans sa dernière chronique Le temps d'une culture lundi dernier. Mm-hmm. Donc, j'en parlais pas plus que ça, mais c'est le premier article que nous signe le nouveau journaliste en arrêt spectacle qui remplace Alexandra Carignan. C'est voilà. Fader lui-même! C'est Fader! Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Voilà. Et puis, il y avait la sortie de Ferdinand Cognac dans les sorties de CD. Exactement. Donc, c'est le 15 mars dernier qui lançait leur premier album, La machine à neutrons au Nord-Ouest Café. C'était pas la première fois que le groupe jouait dans un bar de Trois-Rivières. Ils ont entre autres joué au Zénob et à l'Appart. Mais quand même, deuxième étage plein à craquer au Nord-Ouest pour accueillir Ferdinand Cognac qui s'inspire du mouvement grunge et de la musique jazz et rock. On peut aussi admirer au Gambrinus une exposition fin. Oui, des toiles de Marie-Noëlle Bouillé. Donc, artiste peintre né à Deschambault, qui a une philosophie très simple. Elle dit « L'art est un état d'âme, n'est pas artiste qui le veut. Mm-hmm. » Mm-hmm. Et que se passait-il à l'appart, Mathieu? Ah ben, c'est le groupe Formentra en spectacle le 21 mars dernier. Spectacle intime pour les chanceux qui étaient à l'appart. Ça, j'imagine que c'est une façon de dire qu'il n'y a pas grand monde. Mais quand même, c'est triste, mais on les encourage. Donc, ici, là, dans la citation, on dit « Lorsque vient le temps de décrire le style musical de Formentra, Louis Lafontaine croit que le terme jazz-rock est contraignant. » Donc, ils font plus que seulement du jazz-rock. Et on avait le droit le 12 mars dernier à un brunch musical au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Mm-hmm. « Vent et giboulé » était le titre de ce concert-là, un concept de brunch musical. Ça a l'air quand même assez intéressant. Mm-hmm. Et puis, dans la lancée du Gambrinus, avec l'exposition de tout à l'heure, la compétition continue avec les mardis de relève. Oui, exactement. Et le groupe gagnant de la semaine passée ou de la semaine d'avant ça, en tout cas, bref, récemment, c'était The Unplugged. Donc, les quarts de finale qui se poursuivent. Donc, il y avait 6 groupes qui s'affrontaient les 12 et 19 mars dernier dans le style rock et acoustique. Les groupes gagnants de chaque soirée devront attendre encore avant leur prochaine performance, puisqu'il reste encore plusieurs soirées avant d'arriver à la finale du 28 mai prochain. Voilà. Et Félix-Antoine Desilets-Rousseau nous parle de la maison d'édition Mine d'Or. Oui, qui est une maison d'édition créée l'automne dernier par l'auteur et étudiant au baccalauréat en enseignement des arts Jean-Pierre Veillet. Sa fonction dépasse le simple fait d'éditer des œuvres littéraires. Il dit « Le dessin nourrit ma création littéraire. Je dessine et ensuite... » j'écris. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, mieux vaut en lire tout le temps. Oui, ben c'est la chronique littéraire de Marie-Hélène Gauthier. Elle nous parle de Alma et de Amédée. Donc, c'est l'Acadie de Georgette Leblanc. Une artiste multidisciplinaire, une âme chercheuse, à la fois danseuse, comédienne et poète, qu'elle a découvert, donc Marie-Hélène Gauthier, pour la première fois en entendant sa chaude voix. Voix sensuelle dans le refrain de l'extrait Galope de l'album Havre de grâce de Radio Radio. Mm-hmm. Mm. Et puis, pour les amateurs d'humour, il y avait le rodage de Adib Akalidé. Oui, et ça, vraiment, hier, ben, ça, c'est un article de Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Oui. Mais on sait que ça revient à Trois-Rivières le 6 avril prochain à la Maison de la culture Francis Brisson de Grand-Mère. Et puis, je suis allé voir avec Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef, qu'on salue encore, des vidéos d'Adib Akalidé. Moi, je ne connaissais pas encore. Mm-hmm. Et j'étais dans le noir total. Mais vraiment... Maintenant. Colin, que j'ai vraiment envie de me rendre jusqu'à grand-mère. Oui. Pouette-pouette en voiture pour aller l'entendre parce que je trouve absolument fantastiquement drôle. Et j'ai vu plusieurs fois le même numéro de lui et il l'améliore à chaque fois. Il y a tout le temps quelque chose de différent que je trouve cool. Donc, Adib Akalidé, c'est à retenir. Mm-hmm. Toujours en humour, cette fois-ci avec Stéphanie Paradis. Paradis, pardon. Paralie. Ben, Paralie. C'est là qu'elle est en ce moment dans son paralie. Paralie. Avec sa migraine. Oui. On est allé voir l'univers parallèle de Denis Drolet. Oui, et je pense qu'elle aimait ça. Elle qui tripe bien raide sur les Denis Drolet, surtout le Denis à barbe, qui est Sébastien Dubé, et l'autre est Denis à palette, Vincent Léonard. Donc, le 22 mars dernier, les Denis Drolet ont présenté leur troisième spectacle d'humour comme du monde au Cégep de Trois-Rivières. Ils étaient accompagnés de leur acolyte Just By My Love, le fameux moustachu dansant. Et pour terminer les arts et spectacles, il y avait les Sœurs Boulay en spectacle, justement. Ben, elles sont géniales, ces filles-là. Leur plus récent album, en fait, leur premier album, Le Poids des Confettis, qui a été lancé récemment. On les a reçus d'ailleurs au Palmarès C'est Fou il n'y a pas trop longtemps. Donc, c'est dans l'intimité de la salle Louis-Philippe Poisson, Bloop Bloop, de la Maison de la culture de Trois-Rivières, que les Sœurs Boulay, originaires de New Richmond, en Gaspésie, ont accueilli leur public. Sourire aux lèvres, que c'est donc cute! Parlons de ta chronique préférée, Mathieu. Les sports. Est-ce qu'on échange nos rôles? Ah ben, si tu veux. On peut échanger nos rôles. Attendez, je vais me préparer. Vas-y. Change de place, il va falloir changer de chaise. Je me lève. Donc, en sport, on parle de volleyball et de hockey, une cérémonie d'honneur. Oui, le 20 mars dernier, à la cafétéria du pavillon Albert-Tessier, sur l'heure du dîner, avait lieu la cérémonie hommage en l'honneur des deux équipes du programme des Patriotes ayant remporté les honneurs de leur ligue. Oui, félicitations à eux. J'ai trouvé ça étrange comme endroit où faire cette cérémonie-là. La cafétéria, c'était vraiment bondé de gens, comme toujours, et des gens qui n'écoutaient pas nécessairement tout ce qui était dit. Ben non, peut-être un petit problème de local. Ça arrive avec les constructions. Ah oui, exactement. Et les rénovations et tout ça. Et les réservations, voilà. Voilà. Les locaux. Ça, c'est bien difficile, apparemment, de trouver une place pour dévoiler les résultats des élections, mettons, ou faire une assemblée générale. Bref. Ensuite de ça, club de canoë-kayak de Trois-Rivières. Ben oui, toute une passion en trifluvie située à Trois-Rivières sur les berges de la rivière Saint-Maurice. Le club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières offre aux rameurs de tous âges l'occasion de s'adonner à la pratique du canoë et du kayak de vitesse. Et c'est dans un cadre sécuritaire, rassurez-vous. Donc on en parle, Philippe Doucet. Merveilleux. Quelque chose que je trouve vraiment intéressant et dont on ne parle pas assez, c'est le roller derby. On cherche des patineuses. Oui, tout à fait, qui revient à la mode. Donc, article de Isabelle Couture. Donc, depuis août 2012, une équipe de mordus s'exerce au sport particulier. Quel le roller derby? Ça, c'est, tu tournes en rond, puis... C'est un genre de patinoire... Oui, exactement, puis ben, c'est quand même le fun. Donc, à Trois-Rivières, il avait disparu depuis plus de 40 ans. Imagine-toi donc, et ça revient. Ben, il y a des films là-dessus récemment, ben oui. Donc je sais pas, j'espère que ça va vraiment être à la mode longtemps, parce que je trouve ça cool que ça existe. Ensuite, le texte d'une foulée à l'autre de Maxime Bilodeau, « Tout commence et finit dans le cerveau ». Oui, donc, Sitius... Atius et Fortius. Plus vite, plus haut et plus fort. Cette maxime qui constitue la devise olympique invite au dépassement de soi-même et de ses limites. Plus précisément, elle enjoint celui qui la suit et à empiéter sur la fatigue et à outrepasser la douleur. T'as vu, j'ai de la misère sur celui-là. C'est pas super. Voilà, donc tout cela dans le but de performer et de transcender et parfois même de passer à la prospérité, donc d'une foulée à l'autre. Ben voilà, donc d'une foulée à l'autre, c'est la chronique de Maxime Bilodeau qui nous fait les jeudis matins à l'Assemblage requis. On sait pas si celle-là, ça va être quand, là, mais disons que la journée dure deux semaines, c'est la chronique à la radio à chaque semaine, donc des fois, ça prend un petit peu plus de temps ou un petit peu moins, ou des fois on l'a à l'avance, ça dépend des semaines. Toujours dans les chroniques maintenant, Philippe Doucet, dans sa chronique éditoriale sportive, si on veut, on va se le dire là, il nous dit « La vie n'est pas un jeu, sauf que... » Sauf que, Bay Hill Invitational vend plus de 18 000 à l'heure. Non, ça, c'est vent de 18 000, je pense. C'est le vent est à 18 000 à l'heure. Oui, excuse-moi, vent de 18 000 à l'heure venant d'ouest. Pluie battante par trois trous d'un coup pour prendre la tête du classement et remporte le tournoi. Oh, ben, quand ça a l'air vrai, ça a l'air vrai. Mais non, en fait, du coup, c'est des jeux vidéo. Mm-hmm. C'est ça, la punchline. Ben là. C'était parce que c'est comme trois paragraphes plus tard, fait que je voulais pas te laisser continuer de lire l'article au complet. Oui. Mais moi, je l'avais lu, fait que je l'ai dit. Je pas de pied dessus, mais c'est ça pareil. Donc, il parle de jeux vidéo, Fight Night, entre autres, Madden et un paquet d'autres comme ça. On a un portrait de Marie-Michel Lapointe, carrière d'athlète. Oui, cette année, plusieurs patriotes vétérans quitteront l'uniforme vert et orange après leurs 5 années d'éligibilité. C'est Reader's Digest Ability. Oui, au hockey, Pierre-Luc Lessard et Félix Petit manqueront au trifluvien, alors qu'au soccer féminin, c'est la perte de l'attaquante vedette des Patriotes qui devra être comblée. Marie-Michel Lapointe aura fait sa marque à Trois-Rivières. Ah, ben, des fois, il faut bien que ça quitte le nid, ces petits oiseaux. Ben oui, laissez place à la relève. Et puis, en vue du championnat canadien, les Patriotes Golf se préparent activement. Oui, la neige n'est pas encore complètement disparue, mais on l'a vu hier, mais les Patriotes Golf sont bel et bien en mode estival. Le championnat canadien aura lieu du 28 au 31 mai au club de golf Val-des-Lacs de Sainte-Sophie, en banlieue de Montréal. Mm-hmm. Et on a aussi le profil d'athlète de Caroline Lapierre-Lemire. Elle a passé une très belle année en or. Sinon, je vois, tant qu'à être dans la section zone campus, puis d'être sur la dernière page, ça donne que la pub. Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle du 12 avril prochain, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Ben oui, tout à fait. Donc, on vous invite, en fait, animateurs ainsi qu'auditeurs de C'est fou, rédacteurs et liseurs de zone campus. nos célèbres liseurs. Ben oui, à venir vous prononcer, dans le fond, sur les décisions qui sont prises pour l'année 2013, ainsi que de faire un bilan sur l'année 2012. Donc, ça a lieu le 12 avril 2013, c'est à midi, et ça a lieu au 1006 Pierre Boucher. Wow. Donc, voilà. Allez, ça va être important. Sur Facebook, il y a l'événement Assemblée générale du GME UQTR, le groupe des médias étudiants. Ouais, tout à fait. Vous inscrire là-dessus et avoir le local si jamais vous l'oubliez. Donc, Assemblée générale annuelle du groupe des médias étudiants de l'UQTR sur Facebook. Tout à fait. Donc, pour le rappeler, c'est le 12 avril, le vendredi, pas qui s'en vient, mais l'autre après. Exact. Et tout ça, c'était dans le Zone Campus. C'est le tour qu'on a fait, Jean-Philippe et moi, de l'édition du 1er au 14 avril 2013, volume 8, numéro 15. Vous pouvez retrouver la plupart de nos articles, les commenter, les partager, les liker, les tweeter. Sur assemblagerequis.com, quoique ça pourrait être intéressant quand même d'y aller, mais sur zonecampus.ca. Et puis retrouver le journal papier avec en couverture la nouvelle équipe de la GQTR un petit peu partout sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. On a bien fait ça, finalement. Ça n'a pas été si pire que ça. Non, pas si pire. T'sais, c'est sûr que Stéphanie amène un petit peu plus de la viande de l'article. Ben oui, mais c'est ça. J'ai pas eu le temps de le lire au complet. Non, mais il vient de sortir hier. Hein. Mm-hmm. Faut travailler aussi dans la vie. Hein. C'est ça qui arrive. Pas bien lire là, dans la vie. Donc voilà pour Zone Campus. On va refaire cette chronique-là dans deux semaines avec Stéphanie. Et Stéphanie, en tant que telle, va être de retour mercredi prochain pour sa chronique Les Petits Bonheurs, où elle présente une liste de choses qu'elle aime par rapport à un sujet précis. On va s'ennuyer d'elle au Palmarès, c'est fou, parce qu'elle serait pas là, elle serait pas là cette semaine non plus. Donc vraiment, ça tombe mal qu'elle soit là aujourd'hui ni demain. Oh oh. Donc on va pleurer sur notre sort d'ici là. Oui. Mais c'est triste pour elle, elle pourra pas participer à la chronique Kinky. Ah ben non, ben ça s'en vient plus tard exactement. Et aussi la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret qui s'en vient en fin d'émission. Elle va nous présenter sa chronique etc. sans Stéphanie. Pour la première fois, je savais pas qu'une pouvait exister sans l'autre. Elles sont tellement proches, ces deux jeunes filles. Donc Minotaurs, on s'en va entendre ça avec Open the Doors. Sur C'est fou. En direct de Trois-Rivières. Où ça? Dans le campus. Dans le cubicule. Oui. Le studio, la boîte à savon. Yeah. La formation Minotaurs avec Open the Doors. Ouh! Hein? Sur les ondes de C4s. C4s. Il est 8 heures. Oh oui, hein? Ben presque 8 heures, en effet. Et c'est le moment de se quitter quelques instants pour aller entendre, entre autres, l'Info Campus. Après ça, on aura Marie-Pierre Laforge-Bois qui va être avec nous à 8h30 aujourd'hui. OK. Pour sa chronique, etc. Donc, on va pouvoir faire Kick Sexy Time juste avant. Ah, en fait, tu sais, pour y aller avec les Minotaurs puis tout, là. OK, la blague de là. Ouais, tu sais, genre 3 secondes. Alors, tu sais, pour faire vraiment plus gangster, là, je pourrais dire au lieu de 8 heures, il est 2-4s. Il est 2x4. 2x4, OK, parce que 2-4, ça pourrait être aussi un 2x4. Ouais, ben c'est ça, ben tu sais, c'est comme, il faut que ça soit stylé. OK. Oui, je sais pas, j'essaie de ramener ça au sexe encore, en disant qu'un 2x4, c'est un... Ah. Ça, c'est un peu solide, tu sais, c'est dur. Dur comme du bois. Comme le bois du matin. Oh, Morning Wood. Morning Wood. Ça, c'est intriguant, restez là. Ça nous anime. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 3 avril 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Juan Philippe. Mathieu Plante. Mathéo Plante. Mathéo Plante. J'ai rajouté un S parce que ça fait plus... Raw. Plus rock? Non, plus raw. Ah, raw. Ouais, comme... comme... arriba, arriba. Caliente encore. Caliente, por favor. Donc oui, deuxième heure de l'émission, matinale en pièces attachées, évidemment. Oui. C'est le moment, dans la semaine, aujourd'hui, on n'a absolument rien pendant une demi-heure. Par contre, on va faire King Sexy Time ensemble, toi et moi. Oui, ça va être viril. Oui, on n'a pas Stéphanie pour venir nuire à notre couple. Non. On va pouvoir dire nos satires. Oh yeah. Mais après ça, à 8h30, on aura Marie-Pierre Laforge-Bourret qui s'en vient. Pour l'instant, c'est Olinéa. Voici ton mur des lamentations. Assez fou. 89.1. En direct de Trois-Rivières. FM. Ton mur des lamentations par Olinéa à Assemblage Requis. Que c'est donc excellent. Que c'est donc excellent. Et si vous avez vraiment aimé ça ou vous avez manqué votre shot aux soirées cachées, bande vous n'avez pas pu voir Olinéa, ni On a créé un monstre. Ils seront à l'appart à Trois-Rivières, ici, évidemment. Le 20 avril. Samedi 20, excusez. À 20h, c'est 10$. J'ai très hâte. Moi, je les ai vus aux soirées cachées. J'ai pas vu beaucoup de soirées cachées dans ma vie, malheureusement. Je me sens particulièrement stupide. Mais celle-là, je l'ai pas ratée et je l'ai adorée. Oui, c'est très bon pour les avoir vus quelques fois en spectacle. Ça va être très, très bon. Mais ils auront aussi Charlie Foxtrot pour ceux qui aiment Charlie Foxtrot. Ben, justement, on pourrait essayer d'aller en entendre un petit peu tantôt. Ah bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va se faire un petit bloc futur spectacle. Ouais, donc 20 avril, 20h à l'appart. Wonderful. Been there, done that, got the t-shirt. Mais là, on disait qu'on avait. On a créé un monstre. Ils vont être là. Ouais, c'est ça. Ils vont être là, ils vont jouer une chanson qui va sonner très très similaire à ça. À ça? Ça va être comme un iceberg. Ouais. C'est l'iceberg. Pour la batterie. Un monstre. Pour vivre ce que tu vois dans tes rêves, tu mis sur ta fécondité. Tu l'emballes, tu l'enveloppes tel un coffre-fort dans une garde-robe. Pour t'assurer de ta tranquillité, tu souris, t'accumules les années. Tu divagues au gré des vagues comme l'eau qui ronge le berceau de la rivière. Une tempête dans un verre d'eau, un avion se brise dans la mer. Allez, on verra bien c'est quoi le résultat. ça, ça marchera pas. J'aimerais savoir si je reste d'accord. Une seule réponse à tous vos efforts. Je reste fidèle, je trouve une défaite. Ça m'a mis en compte jusqu'à la mort. Enlève tes lunettes roses et mets mes lunettes noires. Dis-moi c'est qui a raison. Dis-moi c'est qui a tort. J'ai fait la prudence, tout le manque de confiance en toi qui t'a fait perdre le bon sens. Il faut qu'on avance, faut prendre une chance, allez, pourquoi pas? Oublie ça, je le sens pas. On peut toujours essayer, je pense pas. Charlie Foxtrot et éternel pessimiste à Assemblage Requis. Et ça, Charlie Foxtrot, c'est un groupe qu'on entend souvent assez fou dans nos émissions qui s'appelle La Sécheuse, là, entre les autres émissions. Et c'est toujours très, très bon, mais ça passe tellement inaperçu, on se rappelle pas que c'est Foxtrot. C'est pas comme on a créé un monstre où tu fais comme « Ah, wow, on a créé un monstre » ou « Olinéa, wow », tu sais. Mais ils vont être en spectacle avec Olinéa et on a créé un monstre. Ben oui, d'abord, la trilogie que vous venez d'entendre, si vous aimez ça, ben ça sera cette trilogie-là, mais ça trilolo, là. Qui sera... C'est quoi le gars qui chante là, sur Internet? Donc, cette trilogie d'artistes qui seront présents le 20 avril à l'appart. 20h, 10$. C'est bien. J'ai tout dit. Yes. Non. C'est le gars qui fait... Est-ce que tu penses que quand il est au lit, il fait... C'est Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est une série dérivée de... C'est un fait, évidemment, donc que des faits pour les personnes plus ou moins averties. Coquin! D'ailleurs, on commence avec un fait sur le fait que... Une personne sur 12, littéralement, ont des relations sexuelles pendant leur sommeil. Une personne sur 12, c'est beaucoup. Mais c'est dans leur rêve, là. Je pense... Je sais pas, d'après moi, ça dit dans leur sommeil, ils ont des relations sexuelles. Je sais pas, j'imagine que peut-être qu'ils dorment pendant qu'ils font des... L'heure où les gens vont le plus voir de la pornographie sur Internet, OK, qu'on cherche de la pornographie, c'est 23h. Ah, ça fait du sens. Ça a bien, bien gros. Juste après le téléjournal. Céline Galipo. L'origine du mot éjaculé. Hein? Ça vient du latin ejaculare, qui veut dire jeter ou tirer quelque chose. Tu tires vers l'extérieur, pas tirer vers soi. Non. Tirer vers l'extérieur. Donc, du latin ejaculare. Porter des talons de 2 pouces de haut, ça peut améliorer la force, la puissance des muscles pelviens, qui va aider à avoir de meilleurs orgasmes ou aider à avoir des orgasmes pour ceux qui en ont pas. Mm-hmm. Intéressant. 2 pouces. 2 pouces, plus d'orgasme. C'était encore meilleur. Dans le passé, la masturbation a été blâmée pour, entre autres, le fait de devenir aveugle, de devenir fou, d'avoir de l'épilepsie, de l'acné, la perte de poids et la capacité mentale affaiblie. Donc, la masturbation causait ça, selon les gens du passé. Fait que si tu maigris, c'est parce que tu te... Ben, tu maigris, ouais, d'un bras. Je sais pas. Tu grossis de l'autre. Ouais. 43% des femmes disent que le livre Fifty Shades of Grey, là, 50 teintes de gris, a fait que leur vie sexuelle avait l'air routinière, par comparaison, était ennuyante. Ça dit pas combien ont changé leur vie sexuelle pour l'améliorer. Ouais. 43% disent que leur vie sexuelle avait l'air plate. Y a pas 2 seins qui sont de la même grandeur. On dit que normalement, c'est le sein gauche qui est plus gros que le sein droit. De droite. Sein droit. Je sais pas. Moi, j'ai jamais remarqué ça, mais en même temps... C'est une différence, c'est minime. Qui sommes-nous pour juger? Ben, c'est ça. À un moment donné, on s'en chargera pas dans les fleurs du... Du... tapis. Du soutif. Ouais. C'est ça, moi aussi, j'essayais de. Ouais, on l'avait pas partout. À matin, on l'a pas partout. Faut l'admettre, on l'a pas partout. Non, c'est ça. Bon. Ben, il y a des matins comme ça, c'est mercredi, milieu de la semaine. Il y a de ces matins. Il y a de ces matins. Hein. Les orgasmes peuvent apparemment régler les problèmes de hockey, les maux de tête et soulager les crampes menstruelles. Donc, c'est des crampes menstruelles. Swing, swing. Badaboum, badabing. Badaboum, badabing. Droite au libre. Boum, boum, Jeffrey. Il y a un poisson qu'on appelle penis head, littéralement tête de pénis, qui a un pénis attaché à sa tête. Le penis head. Oui. Je vais aller googler ça sur Google Images. Voilà. Oui. Ben, en fait, il est comme un peu. C'est un peu comme une licorne poisson avec un pénis. Ok, quand tu cherches penis head avec Safe Search éteint, hein, tu tombes vraiment sur des glands. Et là, soudainement, je suis comme content que personne regarde mon écran. Non, mais je vois les reflets dans tes lunettes. Par contre, c'est ça. Par contre, je vais virer mon écran pour te montrer. C'est des têtes! Oh, on va vous mettre un lien sur Assemblage Rick. Non! Ah, c'est quoi, celle-là? C'est quoi ça? Il y a comme un crabe à la place. En tout cas, bref, trop de détails. Ouais. On dirait un crabe à la place de son... Une pince de crabe. Pour te serrer la pince. Ça change vraiment la définition de pour te serrer la pince. Deux glands! Donc, voilà, vous pouvez aller sur... Je vais taper Penis Head Fish, voir. Ben, en effet. En effet. Super. Passez beaucoup trop de temps là-dessus, hein? Oui. C'était un beau moment pour moi. Faites la même chose à la maison et vous allez passer vous aussi un beau moment. Ouais. Des études psychologiques découvrent que l'alcool peut faire que les gens vont trouver une autre personne 5 fois plus attirante que dans la vraie vie. Ouais. Donc, l'alcool fait que ça rend les gens plus beaux. Je pense que c'est... Mais ils ont fait des études là-dessus. T'sais. Tout le monde sait ça. Plus je bois, plus je te trouve belle. Merci, Colin. Wow. Direct. Wow. un homme sur 4 ne peut pas voir son engin quand il est debout parce qu'il est trop gros. Oh. Pas l'engin, la personne. Oui. Il n'y a pas de penis head. Mais c'est bien triste. Oui, une personne sur 4, c'est presque le cas, ça. Ouais. Ouais, je sais pas, ça me laisse pas indifférent, mais en même temps, je trouve ça triste. Ça me laisse mou. Je me sens mou. Un Américain sur 5 n'aime pas les relations sexuelles du tout, n'aime pas le sexe. Une personne sur 5. Ben ça en prend. C'est le 5e presque. C'est presque 20%. C'est beaucoup. Oui. Une personne qui est fortement attirée... Attends un peu. Non, je vais faire le contraire. Je vais aller en quiz. Des fois, on fait pas assez de quiz dans cette chronique-là. Qu'est-ce qu'un sapiosexuel? Sapiosexuel. Sapio. Donc, c'est ça soupe, mais non. Non? Non, mais ça doit venir de sapiens. Sapio. Sapiens. Sapio. Homo sapiens. OK, ouais, je vais... Oui, homo sapiens. Non. Ça... C'est une personne qui est fortement attirée par l'intelligence de quelqu'un d'autre. Ah! Donc, ben, sapio, toi! Oui, ben oui! Quelqu'un est intelligent, tout ça, donc, ben, sapio, ça. Alors, ça, puis Odinia. environ 800 000 personnes dans le monde se touchent à n'importe quel moment de la journée. Comme là, là. En ce moment-là, il y a 800 000 personnes qui se touchent. On les salue. Bonjour, ben, pas avec cette main-là. Je vais pas te faire un high five. Flock a flock. Flock a flock. Flock a flock. Jurer. Utiliser des jurons, de la profanité. Pendant les relations sexuelles, ça va améliorer. Il n'y a pas de thé dans le vent. Ça va améliorer la qualité et l'intensité de l'orgasme. Mm-hmm. Utiliser des profanités. Ah, fuck, fuck. Ah, flock, flock. La somnophilie, maintenant. J'en fais. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est de faire l'amour quand t'es somnambule. C'est. Non! Aimer les somnambules. Ça revient exactement au premier fait qu'on a dit tout à l'heure et que j'avais sûrement déjà fait dans une autre chronique, mais je ne me rends pas. Non, c'est les gens qui ont des relations sexuelles. Les gens qui ont des relations sexuelles pendant qu'ils dorment. C'est des somnophiles. Somnophiles. Intéressant. Ben, écoute, il y en a qui se réveillent toujours fatigués. C'est peut-être ça, là. c'est ça. Ah, c'est ça l'affaire. Ils dorment jamais, vraiment. Qu'est-ce que le tamakiri? Tamakiri. On dirait un jouet que tu utilises sur ton porte-clé comme un tamagotchi. Ouais. Ou une. Tu sais, comme. Dédé. Harakiri. Se tuer, genre, ouais. Avec un couteau d'une épée dans le. Non. Je sais pas c'est où, là. Je m'y mets ma poitrine, ouais. Mais je pense que c'est dans mon ventre. Harakiri. Donc, tamakiri, donc. Ah! Mais ça ressemble pas mal à ça. T'es allé voir? Je suis allé voir c'est quoi. C'est à peu près ça, mais pas sans l'épée. C'est un fétiche japonais où les hommes se font botter dans les testicules. Puis j'aime ça. Oui! C'est incroyable. Tu sais, des fois, tu sais, quand tu t'assois, Mathieu, parlons français. Oui, parlons. Parlons entre hommes, puisque Stéphanie n'est pas là. Manon. Tu sais, des fois, tu t'assois, puis t'as un testicule qui remonte. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Lui, il aime ça se faire kicker dans les noix. T'imagines le feeling que ça te donne? Ha! Aïe aïe! Non, mais pour vrai, c'est déplaisant. Tu sais, juste, tu sais, il y en a qui se croisent les jambes des fois, puis ça peut arriver que tu te squeezes un petit peu. Non, rien de plaisant là-dedans. Rien du tout. Donc, Tamakiri, mais tu sais, on vous juge pas, là. Non, on vous juge pas, mais j'aimerais quand même savoir vos motivations. Oui, puis j'aimerais pouvoir le faire aussi, te botter des. Ben oui, tant qu'à faire. Et tape donc ça sur Google. te faire en français ce qu'on appelle Guillaume Chenelette Johnson. C'est un ancien animateur et joueur d'impro. Tu connais Guillaume Chalet? Oui. Non, ensuite, c'est un insight, ça. Hein? Oui. Donc, le mois d'août, c'est le mois qui a le plus d'anniversaires. Le mois de février, c'est celui qui a le moins d'anniversaires. Donc, si on recule de 9 mois en arrière à partir du mois d'août, ça va jusqu'au mois de décembre, je crois, parce que c'est le 8e mois, donc 8 plus 1, 9. Le temps des fêtes. Chouing, chouing. Et février, c'est celui qui en a le moins. Donc, février moins 9, c'est le deuxième. Et ça va être difficile, par exemple. Oh, ça va être difficile! Oh, c'est février. Pas capable. Février, si on recule de 9 mois, ça fait combien? 1, 2. Justement? Non? Non? Colin, je pense qu'on est mieux de sauter au prochain. Mais bon. Pause! Comment je passe? Passe! J'appelle un ami. Une femme a eu un hickey, c'est ce qu'on appelle une sucette dans le cou. Sucette. Après, donc, ce hickey-là l'a temporairement paralysé. Tellement profond, ce hickey-là, que ça a fait un caillot de sang dans une artère. Et ça a causé une genre de stroke, une attaque. Donc, à cause d'une sucette. C'est malheureux. Hein. Mm-hmm. Et voilà pour qui s'excitait, mais une autre des chroniques où j'ai l'impression de les avoir toutes déjà faites dans cette chronique-là. Mais bon, pour ceux qui ne les ont jamais entendues, c'était bien intéressant. Ben moi, je ne les ai pas entendues. Le Tamakiri. Tamaraki. Ma mère à moi. Oui. Tamaraki. Tamaraki, ma mère à moi. La mère à boire. Note ça. Tamakiri. Note ça. OK. On est vraiment cette semaine dans la transparence de notre les jeux de mots. Oui. Ouais, mais moi j'ai bien aimé ça, passer un moment à parler de sexe. C'était pour un public averti, j'espère que les gens le savent. Oui, moi je le savais. Ben, c'est ça, il faut en parler, même s'il est 8h26. C'est important. Non, mais c'est ça. Là, parce que c'est quoi la différence entre 8h40, mettons, où on fait cette chronique-là d'habitude, et 8h10? Ouais, c'est ça. C'est même public. À moins que ce soit quelqu'un vraiment de routinier. Ben, c'est ça, mais en même temps... Hein, on va n'importe où. On fait n'importe quoi ce matin. Marie-Pierre Laforge-Bourret viendra nous sauver dans quelques minutes avec sa chronique, etc. Pour l'instant, on écoute Elephant Stone. Voici Setting Sun. 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Va me faire ta maquille. Eternal life. retour, la chronique Etcetera avec Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Enfin, un peu de féminité dans cette émission. Enfin, du bon contenu. Oui. Rassemble un Ruki pour toi aujourd'hui. C'est fou de... dans ta face. 489-1-1-1. Le plan de demain à Assemblage requis. Dans D'une foulée à l'autre, Maxime Bilodeau nous expliquera la science derrière le chewing-gum. L'équipe adorée, Anne-Julie Durocher et Jasmine Raymond-Dreyville sera avec nous. Et François Landry aura une autre excellente chronique politique, Logocratie 101. C'est demain, 7h. Et nous serons plus en forme. Oui. On va essayer. On va pratiquer nos blagues. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Et la pièce à bout de souffle, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou en ce moment. On aime ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Toujours à Assemblage requis, il est 8h35 minutes. Jean-Philippe Charbonneau, là. Oui, Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Et on accueille Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Voici la chronique, etc. Salut! Salut! Oh, attention! Ah. Bon matin. Tu vois, moi, il me faut ça. Il me faut ça pour commencer la chronique. Marie-Pierre, bon matin, ça va? Oui! Oui! Ta voix est revenue? Ben oui, il y a à peu près 2 semaines, j'avais pas de voix. Ben pas de voix. Pas que j'en avais pas, mais j'avais une sacrée voix de Caroline Néron. Ben, ça sans pas blague. Ouais. Mais bon, 6 paquets par jour. Donc, moi, mes amis me faisaient des blagues. Marie, ça tente pas d'aller fumer une autre cigarette? Je dis oui, j'y vais. Dommage. Mais non, c'est ça, je pensais pas. T'étais là avec nous la semaine passée, donc on t'avait demandé la même question sûrement. Mais bon. Tu nous parles de cinéma encore cette fois-ci? Oui. Et de quel film tu nous parles? C'est un film québécois. Qui date de 1992, un très vieux film. Tu vis dans le passé. Je vis dans le passé, je suis désolée, c'est comme ça. Mais le film s'appelle Léolo. L'avez-vous déjà vu? Non, moi, non, même le titre, en fait, me dit rien. Quoi? Ben oui, outre. mais pourtant, d'habitude, je suis assez à jour. Puis là, ben écoute, je vais t'écouter d'une oreille attentive. OK, regarde-moi bien. Oui. Non, c'est ça, c'est un film qui a été fait en 1992 et qui a été fait par Jean-Claude Lauzon. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est lui qui sortait avec Marcelet Touga et qui a craché dans l'avion. Oui, donc, c'est pas J.C. Lauzon, l'humoriste. Non. Non. C'est J.C. Lauzon, le réalisateur. Voilà. Et bon, ce film-là a reçu 3 prix génie, donc dans la compétition des films canadiens, pour le meilleur scénario, le meilleur montage et les meilleurs costumes. Mais donc, pour vous donner une petite idée, Jean-Claude Lauzon avait fait 2 courts-métrages puis 2 longs-métrages avant de mourir. Et au moment où il est décédé, il est en train de faire son 3e long-métrage. Donc, et ces deux longs-métrages ont eu des prix, ont eu des bons commentaires. C'est un film qui dure environ 2 heures. Donc, relativement long, mais ça passe très bien. Et attention, OK, je fais une petite devinette, OK, ça va? Pour deviner qui joue dedans, check pas la pochette. Non, là, moi, j'ai l'habitude de tricher. C'est une chanteuse. Chanteuse. En 92. Kathleen. Non, come on, Mathieu. Est-ce qu'on a droit à un autre indice? Est-ce qu'elle est québécoise? Oui, une chanteuse québécoise. Une chanteuse québécoise en 92. Qu'on a déjà vu jouer dans d'autres films. C'est pas Ginette Reynaud. Ginette Reynaud. Non! J'allais dire, comment elle s'appelle? Ben écoute, j'ai un blanc sur son nom. La fille, là, la voix. Oui, en tout cas. Oui, Ginette Reynaud joue dans le film. Tu vois, j'ai vraiment deviné, mais il me semble que ça me dit quelque chose, Léolo. Maintenant, on parle plus, ça va peut-être m'animer une... Ça sent bien. C'est ça, ouais. Et il y a un certain Maxime Collin qui joue dedans. Bon, c'est sûr, c'est un enfant peut-être des années 90, mais il avait joué aussi dans Mathusalem. Tu sais, il y avait des adolescents dans Mathusalem, là. Oui. C'était un des deux adolescents. C'est un des ados. Oh, c'est oui. Cool. Oui, il jouait dans Mathusalem aussi. Mais là, je me suis informée l'autre jour parce que je me suis dit, il est bon dans Léolo. Tu sais, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Ben, il y a un truc de lavage de char. Tu vois, genre, il n'a comme pas continué dans le domaine. Oh, c'est triste. C'est triste, hein? Ben, s'il fait ce qu'il aime. S'il fait ce qu'il aime. Mais j'étais comme, qu'est-ce qu'il est devenu, tu sais? Puis non, c'est ça, il est hors du métier. Ouais, il est plus dans l'Union des artistes, mettons. Je penserais pas. Je dis ça comme ça, là, mais. Bon, Léolo, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Léo Lauzon, mais qui préférerait, parce que c'est un petit Canadien français qui habite dans un quartier pauvre de Montréal dans les années 60. Donc, le contexte, c'est le contexte des années 60, dans le sens que les Québécois se sont pas encore affirmés comme peuple. Bon, toute la question avec les anglophones un petit peu qui est présent dans le film. Mais lui, il aimerait fuir son identité, donc il voudrait pas être Canadien français. Il voudrait être italien. Hein? Donc, il demande à se faire appeler Léolo Lauzone. Ah! C'est bon. Ouais. C'est très drôle. Mais, bon, puis l'histoire commence avec ça. Donc, sa mère, oui, est canadienne-française. Sa mère qui est Ginette Reynaud. Mais, selon lui, son père est un homme qui travaillait dans les champs de tomates, qui a contaminé une tomate. Je donnerai pas plus de détails. Et sa mère... C'est à partir de ça qu'elle est tombée enceinte d'une tomate. Okay? Donc, imaginez-vous ce que vous voulez. Vous écouterez le film et vous allez voir, c'est à partir de ça. Donc, tomate séchée. Il se crée un imaginaire, le petit garçon, parce que c'est toute la question. Il vient d'une famille qui est un peu troublée et troublante. Donc, je pense qu'il y a trois frères et sœurs. Donc, 2 sœurs, 1 frère. Il y a son père. Il habite aussi avec son grand-père, mais... il veut sortir de ça, donc il se sent pas bien dans sa famille. Puis sa famille est un peu folle, mais dans le sens, à quel point elle est folle pour de vrai. En même temps, c'est une fiction, là, mais on le sait pas. Tu sais, c'est tout le temps un mélange. Donc, on sait pas qu'est-ce qui est vrai dans sa famille, qu'est-ce qui l'est pas. Mais selon lui, sa famille est folle. Mais ça donne l'impression aussi que c'est comme pour sortir du contexte canadien-français, de se trouver une autre identité qui est pas bien là-dedans. Mais sa famille, donc, pour donner une idée, son grand-père a déjà essayé de le noyer ou... son père, il donne des... Ils ont comment qu'on appelle ça? Dans le fond, pour faire plus caca. Laxatif. C'est ça. Je n'avais pas le mot. Ça, elle ne l'a pas mimé. Ouais. Mais non, c'est ça. Comme la santé passe par le caca dans le film, dans le sens qu'il faut que les enfants prennent absolument un laxatif une fois par semaine pour faire un nettoyage. Ouais, ouais. Fait que tu vois, genre, c'est comme une famille un peu spéciale. Et bon, son grand frère, à un moment donné, il se fait pétailler par un anglophone. OK? Et il veut devenir un homme fort, donc il commence à s'entraîner. Fait que c'est comme vraiment une exagération de plusieurs choses. On a de la misère à faire la différence entre ce qui peut être vrai et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on a l'impression d'être dans l'imaginaire du petit garçon de Léolo. Et bon, fait que vous voyez un peu le style d'ambiance. Le petit garçon est en quête d'identité, laquelle, on ne le sait pas, il essaie de se définir. Et ce qui est intéressant, okay, ça va chercher la littéraire en moi, attention. Oh. dans le film... Jean-Claude Lauzon s'est inspiré de La Vallée des Avalées de Régent Ducharme. C'est un livre écrit, je pense que c'est ça, dans les années 60 à peu près. Oui, assurément, parce que le petit garçon le lit. Donc, c'est comme le seul livre qu'il y a dans sa maison. Et il y a toujours un passage, une phrase qui revient tout au long du film. C'est « Parce que moi, je rêve, moi, je ne le suis pas. » Donc, qu'est-ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'il n'est pas canadien français? Est-ce qu'il n'est pas fou? C'est ça, c'est tout un jeu autour de ça. Mmh. Donc, lui, le petit garçon, il est tout jeune, puis il lit La Vallée des Avalées, qui est un livre qui est absolument pas pour enfants. Là. Donc, moi, j'ai déjà lu une partie. Puis, La Vallée des Avalées, qui est très bon, d'ailleurs. Régent Duchamp, c'est un très bon écrivain. Mais bon, c'est tout autour de ça. Donc, c'est un film qui va chercher un petit peu un petit côté littérature, un petit côté rêve. On sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et aussi, ce que j'ai aimé, le film, je vous avouerai, il est assez déstabilisant. Dans le sens que le montage est un peu spécial. Des fois, on saute pas du coq à l'âne, mais oups, OK, où est-ce qu'on est rendu? Tu le sais pas trop. Oui. Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté du film. L'originalité. Dans le sens, oui. Ça a gagné un prix pour ça, tu disais tantôt, oui, pour le montage. Absolument. Donc, c'est un peu déstabilisant parce que c'est rare qu'on voit des films québécois un peu montés de cette manière-là. Mm-hmm. Mais c'est un très, très bon film. Les personnages sont intéressants et attachants. Donc, bien que la famille soit un peu folle, tu t'attaches à leur... pas leur folie, mais... leur manière d'être. Leur particularité. Ginette, oui, puis Ginette Renaud, c'est comme la maman super protectrice, super gentille. Donc, les personnages sont attachants et en même temps, certains sont comme repoussants aussi. L'ambiance, c'est souvent à l'intérieur, donc dans un vieil appartement des années 60 à Montréal. Donc, on s'imagine, tu sais, c'est comme une ambiance, comme peut-être manque de luminosité. Donc, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment un film qui est bien fait. Puis, c'est ça, les acteurs sont très, très bons. Même le petit garçon qui a pas rejoué après, là, il est vraiment excellent. Là. Puis en même temps, des fois, je me dis, parce qu'il tourne des scènes qui sont spéciales, tu te dis, merde, mais à cet âge-là, comment il pouvait jouer ça, sans perdre sa naïveté? Là, je sais pas, là, parce que il y a des scènes, si vous le regardez, vous allez comprendre quel genre de scène que je parle. Mais tu te dis, waouh, OK, comment ils ont expliqué pour jouer ça? Mm-hmm. Pour qu'ils ne se sentent pas troublés après, pour que ce soit comme un jeu, parce que... Il devait être quand même jeune, il devait avoir à peu près 12 ans à l'époque où il a tourné ça. Fait que non, c'est assez impressionnant comme film. Je vous le conseille fortement. Puis aussi, c'est drôle par moment, dans le sens qu'à un moment donné, il y a une scène avec Ginette Renaud dans une cuisine, avec le petit garçon dans la cuisine. Et j'ai tellement ri que j'ai reculé le bout pour le revoir. C'est excellent. Ouais. Ouais. Écoutez-le. Sérieusement, là, c'est déstabilisant au premier abord parce qu'il y a un narrateur aussi à travers tout ça. Tu sais pas faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui l'est pas, ce qui est... c'est comme l'imagination du petit gars qui se fait aller. Fait que c'est un peu déstabilisant. Oui, je l'avoue, j'ai été déstabilisée, mais c'est tellement bon. Là. C'est bon des fois d'être déstabilisé tout le temps. Ouais. Savoir à quoi t'attendre, c'est plate. Ouais. Oui. Ça, c'est assez traditionnel américain. Exact, oui. formulaïque, comme on dit en anglais, quand ça suit une formule préétablie. Puis j'ai même lu à quelque part que ce serait... Le Times Magazine, quelque chose comme ça, a dit que c'était un des 100 meilleurs films de tous les temps. Et c'est un film québécois. Un film québécois, de Jean-Claude Lauzon. Là. C'est surprenant. Hein? Oui. Donc, ça s'appelle Léolo, c'est de 1992, oui. Tu disais? Oui. Sur DVD, bien sûr. Moi, je l'ai loué à la bibliothèque Gatien-Lapointe, mais ça doit se trouver en club vidéo aussi, facilement. Fort certainement. Ouais. Léolo Lauzon. Léolo Lauzon. Merci, Marie-Pierre. Ben, de rien. J'espère que vous allez l'écouter. Il vaut vraiment la peine. Ouais, parce que sinon, là, ça donne quoi? Sinon, je vais te chicaner. Ah, toi aussi. Ben, je chicane surtout Mathieu. C'est lui qui est en retard, surtout dans les films québécois. Je suis en retard surtout dans la vie, genre en général, mais en effet, les films, parce que je suis vraiment pas... Je suis vraiment déçu, Mathieu. Ouais. Et les livres aussi. Tout ce que t'aimes, c'est les livres. Tous les livres, je pars de zéro. T'sais. OK. Mais il faut partir de quelque part. Et voilà, une chance que t'es là. Marie-Pierre Lafourche-Bourret et une autre chronique dans deux semaines. Est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Oui. Tu restes une quinzaine de minutes. Tu nous présentes une pièce que t'as choisie, d'ailleurs. Oui. Une pièce de Fanny Bloom. Ah ouais. Je ne sais pas laquelle. Vas-y, Mathieu. Voici 1000 pertuis à Assemblage Rocky. Et voilà. Fanny Bloom et 1000 pertuis. Mm-hmm. Pertuis. C'est dans la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret qu'on écoutait ça. C'est elle qui nous l'a suggéré et elle est toujours avec nous. Oui. Oui. Et tu veux nous parler d'un spectacle de danse qui a eu lieu récemment. Oui. Je fais ça un peu sur le fly parce que, bon, j'ai pas mes informations devant moi. Je vais aller freestyle, de on mémoire. Fait ça que depuis le début. Ah oui, c'est notre thématique freestyle. Ouais. OK. Parce que Mathieu a dit, ouais, on parle de quoi? Je dis, attends. Il chose. Reste 30 secondes de quoi on parle. Non, c'est ça. J'ai été voir jeudi passé à la Maison de la Culture. C'était un spectacle de danse qui s'appelait Danse cas par cas. C'est comme nom, je dois le dire, là, moi qui est fan de jeu de mots, Danse cas par cas. Danse cas par cas. Je trouve ça malade. Ah oui, c'est bien. J'adore ça. C'est très bien. Ouais, bref. Ouais, mais cas comme la lettre, dans le fond. Ouais, mais ça reste un jeu de mots, Danse cas. Oui. Dans ce cas. Mais j'avais même pas vu ça. Tu vois, Mathieu, une chance que t'es là. C'est ça. C'est la première fois que j'entends ça. Mais non, c'est ça. C'était la chorégraphe. Là, c'est ça. Je vous fais ça sur le fly. Elle s'appelait Karine. Mais allez voir sur... Est-ce que ça vient de là, le cas? Oui. Danse Karine cas par cas, c'est moins un jeu de mots. Mais donc, c'est ça. Non, cas pour, Je crois que c'est pour le nom de la chorégraphe, donc Karine. Pour faire une petite idée... C'est une chorégraphe qui se promène avec quelques danseurs puis font plusieurs salles au Québec. Je crois, la semaine prochaine, ils vont être à Québec. Donc, si vous aimez la danse, bon, je sais qu'il n'en vient pas souvent à Trois-Rivières des chorégraphes. C'est super rare, je crois que c'est 3 fois par année à la Maison de la Culture. Donc, c'est vraiment pas souvent. Mais ce spectacle-là va se déplacer à Québec. Donc, je pense que c'est la semaine prochaine. Puis, il a été à Montréal aussi. Puis, regardez sur Internet Danse cas par cas puis vous allez avoir les dates de spectacle. Mmh. Et c'est quand même spécial parce que... c'est ça, la troupe, c'est cas par cas, mais l'idée autour de ça, c'est 3 paysages. Donc, c'est comme un peu la thématique. Mais c'est toute une question de... c'est comme trois paysages dans le sens que la pièce est séparée en trois parties, trois parties distinctes, mais qui s'enchaînent assez bien. Donc, c'est pas galon, on a fini la première partie, voilà, on commence la deuxième partie. Mais quand tu as vu la pièce au complet, tu te rends compte que oui, ça se tient. T'sais, c'est trois parties différentes. Et la scénographie est particulièrement belle. C'est un genre de mur, on va dire ça comme ça, qui est un genre de gros mur avec, imaginez-vous, je pense Stéphanie Paradis avait compté, je crois qu'il y avait 60 genre feuilles de papier blanc, là, okay. Comme des feuilles blanches 8 par 11. D'imprimante. Oui, ben, imaginez-vous, c'était pas des feuilles blanches, dans le sens que j'ai pas touché en quoi c'était, mais ça ressemblait à ça. Mais imaginez-vous 64 feuilles blanches sur un genre de mur et trois murs comme ça. Donc, okay. Ils sont reliés ensemble. Et il y a un mécanisme derrière ça avec des petites hélices qui peut être contrôlé. Je crois que le monsieur qui a fait la structure, il me disait que ça y va selon... Quand il y a un danseur qui passe devant, la machine sait qu'il y a quelqu'un qui passe. Donc, elle active les hélices. Ou quelque chose comme ça. Okay. Je sais pas exactement comment ça marche. Là. Utilisez votre imagination. Ouais, ouais. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a un mouvement à travers tout ça. Puis, dans la pièce, il essaie de suggérer l'idée de vent. Donc, c'est pas... C'est comme si le danseur, la danseuse, ne contrôle pas elle-même son corps. C'est une force extérieure. Okay. Donc, ça c'est contrôlé avec... par le vent, contrôle ouais. La personne sur la scène. Ouais. Puis, des fois, sont deux, ils dansent deux personnes ensemble ou même trois à un certain moment donné. C'est tout le temps l'idée que c'est une force extérieure qui dirige. Et même parfois, quand ils dansent ensemble, dans le sens qu'il y a des... Les danseurs, ils se touchent dans le sens que le mouvement de l'un entraîne le mouvement de l'autre. Mm-hmm. Mais c'est pas « je bouge pour faire bouger quelqu'un », c'est « le quelqu'un me fait bouger et moi, ça le fait... À mon tour, je le fais bouger. » Donc, okay. C'est une interrelation. Vraiment... Oui, oui, oui. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Si... Moi, je bouge pas mon bras d'une certaine manière. L'autre ne pourra pas faire tel mouvement. Donc, c'est vraiment impressionnant à ce niveau-là parce que c'est tout pensé et en même temps, ça coule. Là. C'est comme si c'est ça, tout est prévu, tout fluide. Coule bien, tout est fluide. Et donc, l'idée de vent qui est suggérée par les petits ventilateurs qui font que les feuilles bougent. Puis en même temps, il y a le bruit qui vient avec ça. Donc, c'est super intéressant. Puis non, j'ai été vraiment impressionnée. C'est cool. Ça doit pas être pour tout le monde parce que si tu me dis que Stéphanie Paradis a compté 64 feuilles, c'est parce qu'elle avait rien que ça à faire pendant un petit bout de temps. Ça devait pas être pour elle. Ça durait à peu près 55 minutes, je crois, la pièce. C'était pas super long dans le sens que ça passait assez bien. Ouais. Mais c'est sûr, il faut être concentré dans le sens que c'est pour comprendre le principe parce qu'il n'y a rien d'expliqué. Ouais. C'est ça. C'est du. C'est pas du concret, mettons. Ouais. C'est comme très. C'est imagé, mettons. Ouais. Mais il y a des moments que moi, j'étais vraiment impressionnée. À un certain moment, la fille, la danseuse, est à plat ventre par terre. Puis les hélices commencent à bouger. Donc, tu t'entends le bruit du vent. Puis elle fait comme si. Imaginez-vous, tu sais, quand tu fais du parachute, t'as comme un mouvement qui vient avec. Mm-hmm. Mais comme si le mouvement la faisait lever, donc le haut de son corps, de par terre. Et ça, c'est elle-même avec son corps qui faisait ça. C'est quand même comme si elle était poussée par le vent. Mais en fait, c'est comme elle qui active le mouvement. Wow. Ça donne l'impression qu'elle bouge au ralenti avec le vent, un peu comme des ailes d'oiseau, quelque chose comme ça. Ce moment-là en particulier, j'étais comme « wow, OK, c'est super beau ». Puis aussi, ce qui est hot, c'est vraiment le fun, ça. Ils ont intégré, il y avait quatre danseurs sur scène. Bon, des fois, il était seulement trois. Des fois, il était une toute seule. Des fois, deux. Ça changeait. Mais ils ont pris quelqu'un du public qui était supposé voir le spectacle, mais qui ne l'a pas vu. Il a participé. Ah oui. Ben là, c'est parce que t'as payé pour ton billet pour voir le spectacle. Ben, il apporte la personne le voir plus tard. Okay. Là. Mais dans l'idée que... Tu sais pas sur qui tu tombes, donc les danseurs ils peuvent s'attendre à quelqu'un qui ne suit pas bien les règles. Il aurait pu tomber sur Marie-Pierre Laforge-Bourret qui elle-même danse dans la vie. J'aurais capoté. Ça aurait été ton rêve. Mais ça doit être comme tes héros, là, ces gens-là. En même temps, il aurait pu tomber sur moi qui je peux faire le verre de terre. Ouais, mais, non, mais t'as fait le bacon. La personne ne dansait pas, elle se faisait donner des indications dans le sens dans des écouteurs ou quelque chose comme ça. Puis ça avait l'air déstabilisant parce que des fois, la personne avait les yeux bandés. Fait que elle disait, mettons, marche devant toi, marche tout droit, quelque chose comme ça. Mais ça donne comme une certaine impression. Puis la personne participe au spectacle. Puis à un moment donné, son un danseur et la personne. Puis la structure bouge autour d'eux. C'était en donnant des frissons. Là. C'était super beau. Puis la musique était belle aussi. Donc, si vous avez une chance d'aller à Québec la semaine prochaine, je pense que c'est jeudi prochain, quelque chose comme ça, allez-y, danse cas par cas. C'est vraiment impressionnant. Là. Ouais. J'ai trouvé là en tapant danse avec la lettre K, par K. K avec la lettre K. Ouais. D'accord. J'ai trouvé tantôt. T'as pas trouvé la date, hein? Non, non, pas grave. Puis en plus, ce qui était le fun aussi, c'est qu'il y a une partie d'improvisation dans un des tableaux, dans le sens que c'est ça, c'est en trois parties, la pièce de danse, mais il y avait de l'improvisation. Tu sais, ça se sentait dans le sens que j'en fais de l'improvisation en danse, puis j'étais comme, OK, ça, c'est improvisé. Ça se sent, tu sais, que c'est pas préparé, puis ça donne des super de beaux résultats aussi. Cool. Faut que tu nous dises, quand toi, t'es en spectacle à un moment donné, ou tu sais, que tu participes à une production quelconque de danse, hein, on va aller voir ça. Il y en a pas tout de suite. En tout cas, donc Marie-Pierre Laforge-Bourret, merci pour ça aussi. C'était sur le fly. Double Chronics. Oui. C'était le fun. Je partage. Oui, oui c'est bien. C'est bien. On écoute Sons avec Holocene City. On revient avec la conclusion de l'émission dans quelques minutes. C'est Sons et Olyssen. Olyssen. Olyssen. Olyssen. Olyssen, c'est-tu? C'était. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se quitte là-dessus. Oh, je sais bien, mais soyez pas tristes. On revient demain entre 7h et 9h avec une nouvelle émission. On remercie Stéphanie Paradis, même si elle n'est pas venue, mais elle est là quand même de présente. On pense à elle. Salut, Steph. Oui, prompt rétablissement de ta tête. Avoir l'air d'une folle à l'argile. Prends soin de ta tête. Merci à Marie-Pierre Laforge-Bourret aussi. De rien. Merci. Merci Pierre Laforge-Bourret. Sinon, demain, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? C'est dans sa chronique d'une foulée à l'autre. Maxime Bilodeau va nous parler de chewing gum. On se penche cette semaine sur la science derrière le chewing gum, ce morceau de polymère qu'on se roule dans la bouche des heures durant. Plus précisément, on s'attarde à tout ce qui ne se rattache pas à la santé bucco-dentaire, à l'arrêt du tabagisme ou au fait de digérer sa propre gomme pendant 7 ans après l'avoir avalé. C'est vrai, ça. Ça va être dans d'une foulée à l'autre demain à 7h30. On aura aussi Julie Durocher avec sa chronique L'Index, Jasmine Raymond-Drainville et la chronique de la GEQTR, et on va parler politique avec François. Encore un beau programme. Pas mal pas pire, ça. Restez à l'écoute. Qu'est-ce qui s'en vient à 11h déjà? Ben, il y a le dîner de con. Moi, pas mal ça. Et en après-midi, des reprises, toi. Des reprises du Voyage de Solite et d'album classique. Ensuite, c'est l'émission originale Dans mes écouteurs avec Joanie Gagnon. Après ça, on passe en rap avec Rap Fusion et le Big Mac Show. Après ça, en électronique à 21h avec PsyTR et Transformer. C'est à peu près ça pour notre journée d'aujourd'hui. Ben oui, c'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes d'émission, les balados de fusion. Puis on se quitte avec une pièce de Alt J, choisi par Marie-Pierre Laforge-Bourret encore. Ouais, j'ai fait ça comme découverte avant-hier et je trouve ça excellent. T'as du goût. Voici Mathilda sur leur album An Awesome Wave. Bonne journée à tous. Bye. Bye, Mathieu. Bye. Bye, Mary. This is from Mathilda. alive.